2. Identifier une activité. Activité 14. 1. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. 2. Attention, demain, dimanche, de la neige dans le nord avec, donc, des températures très basses. 3. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. 4. Attention, beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud.